Tu connais la valeur de l'argent quand t'as touché le fond, yeah. Et la vie c'est une question de choix pour des résolutions, yeah. Et j'ai tellement zappé de pages que ça en a fait des livres, c'est pas nouveau. Pour faire entrer du cash souvent faut prendre des risques, amigo. Pas d'histoire de cœur, plus de love. J'ai perdu trop de drogue pour du mauve. Tu sais le temps passe en bas du bloc, bloc. À force on devient parano. Combien de mes frères sont détraqués. Y'a pas de bouée si j'tombe à l'eau, wow. Personne m'a tendu la perche quand j'voulais drive. Elle m'appelle bébé parce qu'elle sait que j'fais des tags. L'argent ça vient, ça part, ça fane comme une pétale. On vit, on meurt qu'une fois donc laisse-moi faire mes balles. J'suis dans un bled de filon. Inspecteur connaît pas la mélo. J'vais croquer la mif comme Fillon. J'pense que tu vas pas dormir du salope. J'suis dans un bled de filon. Inspecteur connaît pas la mélo. J'vais croquer la mif comme Fillon. J'pense que tu vas pas dormir du salope. C'est ceux qui vivront qui verront. Bellec, tu peux finir sur le carreau. Tu sais que mon regard en dit long. On vient énervé comme Gennaro. On fait tout ça, puis Mino. Fuck une villa dans un moteur en verre. Dis-moi c'est quoi cette villa. Beaucoup trop d'erreurs qu'on peut plus effacer. Son bon qu'à tirer sur ma dope. Chez moi les murs ont des oreilles. Que des seringues en bas du bloc. Plus personne quand ça part en guerre. Au comico tu pas un mot. Pas vu, pas pris, c'est la règle. Encore un achat chez Gucci, mais bon, j'en pense à quand c'était la reste. Personne n'a tendu la perche quand j'voulais grave. Elle m'appelle bébé parce qu'elle sait que j'fais des tags. L'argent ça vient, ça part, ça fane comme.